maintenir, et c'est ce que je regrette d'ailleurs, parce que moi je considère que les paysans, les agricultrices et les agriculteurs sont les premiers alliés de l'écologie en principe. Parce que c'est eux qui ont l'usage de la nature pour... Putain, moi j'en ai vu des moissonneuses et je peux vous dire que c'est pas les alliés de la nature. Ça fait plus de bruit qu'un avion, quoi. De près. Putain. Franchement, on va pas me dire que ça, c'est les alliés de la nature, quoi. Bref, par contre, le paysou, trop nice. On l'a insulté avec le petit Laure, Lorenzo. On l'a gueulé dessus comme des porcs. Il est venu nous dire bonjour après, et je l'ai recroisé après en vélo, quoi. Trop nice. Qu'est-ce qu'il dit, hein ? Il a un accent, on pourra y accrocher son par-dessus, dis-moi. Ça, ça y est, sympa, hein. Mais j'habite pas avec lui pour l'odeur, hein. Oh, le salaud. L'autre jour, j'ai dit, il avait les mains sales. On aurait dit des pieds, dis donc. Tout ça nous permet effectivement d'afficher nos 5 étoiles fièrement. Avec, vous l'avez dit, un centre aquatique assez important. C'est ce qui fait aussi la renommée d'un camping. C'est important, ça. Ah yes, c'est important. C'est aussi la renommée d'un camping. Et c'est ce qui permet également de remplir les aides de saison quand on a des infrastructures chauffées, couvertes. Ah yes. On est un peu tributaire du temps dans ce métier. Donc... Ah putain, allez. Ouais, pareil, hein, ça c'est très très 2000, pas 48 quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de ces trucs-là ? Putain, il y a du boulot, allez ! Allez, maintenant j'ai de l'énergie positive, je vais aller voler de l'énergie à quelqu'un. Mon voisin, il a un petit chien trop mimi. Bon, au début, j'ai essayé de... Bref. Rentrediscount.com. Comment est-ce que vous définiriez votre voix ? Douce. Moi, j'ai une fréquence interdite. De France. Mais j'ai une boîte, par exemple, Sandromage, cartonne en Chine. Donc le... Les éditions, l'Olivier, j'ajoute que ça y est de cachot. De tout ça. Jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. J'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout rencontré de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. L'accordéon, paraît que ça revient à la mode en 2019. Je me suis tâche, moi. Ah. tous les soirs, les gens hésitent à dire qu'ils sont en couple. Vous troublez votre vie, même si tout le reste était perdu. Les petits cailloux, ça va représenter... Alors c'est quoi, les petits cailloux, hein ? Ça représente les autres... Sur l'actualité. Et un débat... Week-end. On se retrouve souvent sur laquelle je m'interroge beaucoup et je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de films qui sont sur ce sujet, beaucoup de séries d'ailleurs. C'est le jour du dépassement selon le rapport de l'organisation écologiste WWF et chaque année il arrive plus tôt. En 1999 c'était le 29 septembre et cette année c'est aujourd'hui. Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 5 planètes. Pas mal, on fera tout. Un million avant la fin de la journée. Bonjour. Bah, je suis en train de savoir que moi, quand je faisais des mix avant, j'avais besoin de bédo, quoi. C'est bien dommage, vous êtes beau. Ouais. Voilà, ça c'est fini. Juste un petit manque de sommeil, ça suffit. En gros, j'ai qu'à me réveiller au milieu de la night. Et je me recouche. Voilà, je fais mal à personne. Voilà, point final, plus personne ne me parle de mes problèmes de santé, tout le monde. Voilà. Il y a des jours comme ça, hein, pour poser un peu les dossiers. Oh, j'ai failli mourir il y a deux jours, mais ça s'est bien passé. Parce que voilà, j'étais en connexion. En symbiose, en synergie, en connexion, en amour et dans l'instant. C'est pas mal, non ? Voilà, c'est comme ça que j'ai survécu. Voilà, je vais attraper un instant et je vais avoir un peu de temps. Yes, ma gueule. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. La journée est finie. J'ai fini, j'ai bien travaillé. Annoncé un phénomène et il est apparu. Classique Voltage avec Daft Punk et Pharrell Williams, Get Lucky, soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Voltage, il est 8h04, bon début de semaine, on est lundi, le 29 juillet. Bon, j'ai quelques petits dossiers à lâcher, voilà ça, c'est du bon ça. À l'intérieur d'un décès. Ce qui m'a touché le plus. À l'époque, j'ai depuis changé pas mal de mon discours. Ça vous a valu quand même, ça... vous avez quand même obtenu des médailles. Mais... Ouais, je pense qu'il fallait aussi que je vive l'événement, que je me rende compte aussi de ce que c'est. Quand je suis arrivé à Sochi pour... Ah non, on se pose. Faut un café. On a pas de café. Un bureau café. Bonheur café. Ah, une petite trottinette. Cool. Ah ouais, parce que moi, quand je vais sortir sur une trottinette, il va falloir faire ça avec style. Tout noir, ma trottinette. Félicia, viens, on se demande, est-ce que toi, ce matin, est-ce que t'as un plat que tu saignes, mais à mort? Genre, un plat que tu pourrais mais manger H24. Ouais. Faut qu'on trouve une question. Faut imiter le... Aujourd'hui? Sur les centres. De vitesse. Yes, ma gueule.